On va parler avec notre amie Caroline Delay. Salut Caroline. Oui, bonjour. Évidemment, le tennis est en pleine effervescence. C'est incroyable ce qui se passe. Je me rappelle de 2014 avec Eugénie. C'était vraiment l'éclosion. Ou encore le tennis, où beaucoup de monde a découvert le tennis avec Eugénie Bouchard. Il y a eu en 2017 Denis Shapovalov qui a charmé la Coupe Rogers. Mais là, ce qui se passe avec. Là, c'est bien Kadescu, là, il y a 2 semaines. Et là, c'est Félix Auger-Aliassime qui est en demi-finale à 18 ans seulement. C'est incroyable. Oui, ce qu'on vit présentement, là, je peux vous le dire, c'est assez incroyable parce que c'est des jeunes remplis de talent. Là. On peut avoir la chance d'admirer ça là, justement ces jours-ci. Mais de là à remporter autant de matchs puis aussi bien performer, là, c'est quand même pas rien. Là. Félix Auger-Aliassime a dû passer par les qualifications. Fait que là, il est quand même rendu à plusieurs matchs de jouer. Il semble en parfaite condition physique. Il a même pas l'air fatigué, là, tant qu'à moi, je le regarde, puis il a l'air en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Il est très, très mature pour un jeune homme de 18 ans, parce que là, écoutez, lui aussi, hein, il a des émotions, puis de tout vivre ça, là, c'est pas facile. Hein. Il faut vraiment que les jeunes soient bien encadrés, puis je pense que c'est le mandat que Tennis Canada se donne aussi, puis écoutez, l'appui des parents aussi est excessivement important, je pense, parce que, écoutez, avoir autant de succès à un aussi jeune âge, bien, c'est ça, ça implique beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de sous aussi au bout de ça. Puis les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à gérer. Ça prend vraiment une bonne tête, là. Puis je pense que nos jeunes, en tout cas, d'après ce qu'on peut voir, là, on peut dire mission accomplie pour les parents puis même l'équipe de Tennis Canada, parce que je trouve que c'est des jeunes quand même là, avec des belles valeurs, puis ils sont terre à terre, puis ça peut. En tout cas, c'est juste positif là, finalement pour le tennis canadien, là, ce qu'on vit présentement. Est-ce que tu as parlé de protection, tu as parlé de médias sociaux, tu as parlé de tout ça? Est-ce que tu penses qu'on ne voudra pas répéter les erreurs qui se sont faites avec Eugénie? Ben écoutez, c'est difficile à dire parce qu'Eugénie avait quand même son clan à elle. Ouais. Je pense que nos jeunes, bon, écoutez, c'est sûr, Shapovalov est plus un peu de son côté. Félix Auger, lui, il travaille plus peut-être avec Canada encore, bien que la même chose. Donc, c'est sûr que chaque personne est différente. Ça dépend toujours un petit peu c'est quoi tes objectifs et tout. Sauf que effectivement, je pense que l'expérience d'Eugénie peut quand même aider. Elle avait connu quand même beaucoup, beaucoup de succès. La deuxième année, ça a été plus difficile. Ça fait que c'est certain que ça peut être quand même un exemple, là, tu sais, qu'on peut se dire, ben écoutez, on veut pas répéter nécessairement les mêmes erreurs. Pas qu'elle a fait tant d'erreurs, mais peut-être justement, là, tu sais, s'éloigner un petit peu des réseaux sociaux, c'est ça, là, tu sais, accomplir dans le tennis. C'est sûr que quand il y a trop d'à côté, c'est là où est-ce que ça devient dangereux. Fait que pour Eugénie, je pense que ça a été le cas. Puis pour nos jeunes, écoutez, là, ça ne fait que commencer. Hein. Ils vont avoir là, des plein d'offres là, au niveau des commandites, ainsi de suite. Fait que là, c'est certain que les agents et tout, là, va falloir que ça va être eux autres qui vont prendre tout ça en main. Puis c'est ça, là, faut pas laisser les jeunes, là, justement, là, qui ont autant de succès, là, s'enliser, là, justement, là, dans quelque chose de trop compliqué. Faut garder ça simple. Il faut que pour eux autres, ce soit, tu sais, on se concentre, on joue au tennis, on s'amuse. On a du plaisir pour qu'ils puissent au moins apprécier aussi là, tout ce qu'ils font là. Puis, mais tu sais, je suis persuadée là qu'ils ont beaucoup de bonnes personnes là, qui réussissent à les encadrer. Puis, moi, je pense que ça peut être juste positif là, pour les aider dans leur carrière. Puis pour justement là, continuer à grimper au classement mondial. Donc, c'est ça. Fait qu'écoutez, déjà, là, ils sont dans les top 25, top 30. C'est déjà là, extraordinaire. Surtout à 18 ans, là, écoutez, ça arrive pas très souvent. Tu sais, là, faut les joueurs que Félix a battus cette semaine, même il a battu quand même 5 joueurs qui sont classés dans le top 20 là, depuis quelques temps. Là. C'est sûr, c'est pas des joueurs très vieux non plus, mais ils ont quand même 22 ans, 23 ans. Fait qu'ils ont quand même plus d'expérience que lui. Fait que c'est certain que non, pour tout ce qu'on peut vivre ici là au Québec, au Canada, là, faut vraiment l'apprécier parce que ça arrivera pas nécessairement là si souvent que ça. Là. C'est vraiment des exceptions. Puis je peux vous dire, là, même Bianca Andreescu, beaucoup de gens en parlent, là, ils disent que son jeu est vraiment excitant, tout ça. Puis c'est ça qui est le fun de nos jeunes, c'est que quand on regarde Félix Auger-Aliassime, il a son style à lui. Denis Shapovalov aussi, mais ils sont très, très excitants à voir jouer. Possède vraiment des beaux coups de tennis, là, tu sais, autant en fond de terrain, au filet, d'excellents services. Donc, on dirait qu'ils ont très bien appris, puis c'est des super athlètes, là. Fait qu'on peut s'en réjouir. Caroline, ça va commencer dans quelques minutes au moment où on enregistre le podcast. Donc, Félix Auger-Aliassime va affronter John Atzenauer. C'est celui qui est le tenant du titre de Miami. Oui, effectivement. Bon, John Atzenauer est deuxième au monde présentement. Donc, c'est un excellent joueur, quand même beaucoup d'expérience. C'est un joueur très grand, donc vous pouvez vous imaginer qu'il a quand même un très, très gros service. Mmh. Fait que ça va être vraiment là, peut-être le défi qu'aura Auger-Aliassime aujourd'hui là, d'avoir du succès en retour de service. Il va avoir des chances peut-être de le briser. Et aussi, bon, de son côté, ça va être important qu'il reste concentré pour servir le mieux possible. Parce que c'est certain que quand on a un joueur qui a un gros service en avant de nous, puis on a de la difficulté à le briser, ça nous met une certaine pression hein, pour continuer de gagner notre propre service. Mais écoutez, ça joue sur le terrain. Moi, je suis bien confiante là, pour ce match-là. Je pense que les entraîneurs vont bien préparer Félix là, justement pour contrer là, les gros services. Et bon, il y a quand même des bons coups aussi en fond de terrain, mais je pense qu'au niveau de l'agilité, au niveau de côté athlétique, tout ça, là, Félix, premièrement, il n'y a rien à envier à personne. Fait que moi, je pense qu'il y a de très bonnes chances de pouvoir remporter le match là, s'il reste concentré, puis tu sais qu'il accepte aussi que l'autre fasse des bons coups, parce que c'est certain que Isner, quand il joue des matchs, c'est un petit peu comme Raonic, ben souvent il va faire plusieurs aces, fait que ça peut devenir un petit peu frustrant pour l'adversaire. Ouais. Mais ça va jouer sur le terrain, on va voir. Peut-être que lui va sentir une certaine pression aussi, Isner, de jouer contre un jeune comme ça. Fait qu'on sait pas comment les joueurs vont se comporter, mais moi, je pense que Félix n'a aucune pression puis il va continuer sur sa lancée là, aujourd'hui. Effectivement, il n'y a aucune pression, tu l'as mentionné, c'est justement ça que je partais pour dire. C'est ça, la fin. Là. Lui, il est là pour s'amuser puis il a déjà gagné. Ce qu'il a, lui, il a déjà gagné. Il a déjà accompli plein de belles choses. Donc, pour lui, si ça continue, tant mieux, mais